Section 78 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Selvetti. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 15, troisième partie. L'Empire latin et les États latins, par Alfred Rambaud. Les croisés dans l'Empire grec. La quatrième croisade avait pour jamais détruit la splendeur de Constantinople. Trois incendies, aux deux sièges et entre les deux sièges, en avaient dévoré des quartiers dont chacun était grand comme plusieurs villes d'Occident. Les Grecs avaient vu saccager leurs maisons, outrager leurs femmes, profaner leurs sanctuaires, tourner en dérision les cérémonies de leur culte. Les églises étaient vides de leurs reliques. Les places publiques, la spine de l'hippodrome, veuves de leurs chefs-d'œuvre. Des bronzes de Lysimaque et de Praxitèle, les croisés firent des gros sous. Cependant, on avait déjà vu des conquérants s'imposer au milieu des ruines sanglantes et parvenir cependant à réconcilier les vaincus, à former avec eux une seule nation et un puissant État. Cela se voyait alors dans la Grande-Bretagne, conquise par les Normands. Mais pour ces fondations, il faut pouvoir compter avec le temps. Les conquérants latins ne l'avaient point pour eux. Dans leur rapport avec les vaincus, ils apportaient une série d'antinomies qui devaient être, tôt ou tard, destructives de leurs œuvres. Ils n'avaient pas conquis une nation non encore organisée, comme étaient les Gallo-Romains à l'arrivée des Francs, mais une vieille nation, fière de son passé, de sa langue, de sa religion, de ses institutions, de ses arts et de sa littérature. D'autre part, ils n'avaient pas cette fortune d'être eux-mêmes de vrais barbares, ne possédant surtout que des idées vagues et qui auraient pu adopter celles des vaincus. Ils étaient déjà trop avancés dans le développement de leur propre civilisation, ayant eux aussi des traditions, des langues depuis longtemps formées, une religion fixée, des littératures et des arts. C'étaient donc deux civilisations aussi originales l'une que l'autre, deux sociétés également, mais diversement hiérarchisées, deux églises depuis longtemps en lutte. Les deux races pouvaient se juxtaposer, mais non se pénétrer et se fondre. Le féodalisme d'Occident, le fonctionnarisme byzantin étaient aussi irréductibles l'un à l'autre que le catholicisme et l'orthodoxie. Cette juxtaposition d'éléments irréductibles aurait cependant pu durer des siècles, comme a duré l'Empire ottoman sur des populations chrétiennes, s'il y avait eu entre eux un peu moins d'inégalités numériques. Mais les conquérants latins n'étaient qu'une poignée d'hommes au milieu de nombreuses populations indigènes. Il ne resta pas pour défendre leur conquête le quart de ceux qui étaient entrés dans Byzance en triomphateurs. Le zèle religieux entraîna les autres jusqu'en Terre Sainte, où la nostalgie les ramena dans leur patrie d'Occident. Dans des conditions analogues d'infériorité numérique, les Anglais ont pu se maintenir dans l'Inde. Mais d'abord, ils n'ont eu affaire qu'à des peuples très divers par la race et la religion. Ensuite, ils disposaient d'un mécanisme savant de gouvernement mû par une pensée unique. Au contraire, les croisés de 1204 ont en face d'eux une nationalité dominante, l'hellénisme, et une religion commune à tous les vaincus. Il n'apporte qu'une organisation rudimentaire, enfantée en Occident par des nécessités urgentes et qui ne convenait qu'à l'Occident. Eux-mêmes ne sont pas un peuple unique, mais une collection de peuples. Dans la diversité ethnographique déjà si grande de la péninsule, hellènes, slaves, roumains, scythes éparses, etc., ils introduisent une autre Babel. Ils sont plusieurs armées distinctes, les Vénitiens sous leur doge, les Flamands et autres Belges sous le comte Baudouin, des Italiens du Nord ou des Allemands sous le marquis de Montferrat, des Français, principalement champenois ou bourguignons, sous Villars-Audouin, les comtes de Blois et de Saint-Paul, etc. Tout ce qui les distingue dans leur patrie d'origine va continuer à les distinguer sur la terre conquise. En outre, les guerriers du Nord ont un génie tout différent de celui des Vénitiens. Chez ceux-là, le principe féodal, chez ceux-ci, le principe municipal. Les questions ecclésiastiques, capitales en ces siècles-là, ne seront pas une moindre cause de faiblesse. Catholiques romains, les conquérants se trouvent en présence de populations toutes orthodoxes. La lutte des deux églises va donc continuer. Les efforts pour la réunion n'aboutiront qu'à former une troisième catégorie religieuse, les Grecs uniates, qui en outre restera une minorité. Le clergé latin réclamera des privilèges et des immunités, imposera des dîmes, accaparera des terres qui ne seront plus d'aucune ressource pour la défense commune. Ce clergé présente aussi des diversités nationales. Les prêtres français, pisans ou génois n'obéiront pas volontiers à un patriarche vénitien. Même les Vénitiens de la colonie byzantine prétendront n'obéir qu'à leur ancien supérieur, le patriarche vénitien du Grado. Enfin, les conflits religieux de l'Occident se renouvelleront ici. Il y aura également une querelle du sacerdoce et de l'Empire. Le pape sera encore plus exigeant qu'ailleurs, puisque c'est lui qui a fait prêcher la croisade et prétend être le vrai conquérant. On pourrait encore se maintenir si les vaincus restaient ce peuple désorganisé par l'anarchie, énervé par les discordes politiques et les controverses religieuses, démoralisé par tant d'usurpations et d'émeutes, déshabitué de toute vertu civique et militaire, un peu efféminé par un excès de civilisation, accoutumé à s'en remettre pour sa défense à des mercenaires. Mais précisément, l'excès de ses malheurs, l'achèvement de sa ruine économique, la destruction de ses œuvres d'art, ses émigrations dans les parties les plus montagneuses de son ancien domaine, la remise en contact des classes supérieures avec les couches les plus rudes et les éléments les plus barbares de la population, tendent à lui rendre les vertus dont l'absence a favorisé le désastre de 1204. Il se refait une Grèce nouvelle, vivant dans les camps, parmi les tribus montagnardes, menant l'existence des Estradiotes, Straitiotai, et des Armatoles, des Proscrits, Appellates, et des Brigands, Cleft. Et à mesure que la vertu des croisés diminuera par les facilités de la vie seigneuriale, celle des Grecs revivra. Pour les Latins, le maintien de leur conquête, au lieu de devenir avec le temps plus facile, apparaîtra de jour en jour plus difficile. Le partage de l'Empire. Pour le dépeçage de la conquête, il y avait deux principaux groupes de copartageants. D'une part, les Vénitiens, de l'autre les Belges, les Lombards et Allemands, les Français. Il fut convenu tout d'abord que celui des deux parties dans lequel on élirait l'empereur ne pourrait avoir le patriarche. Trois hommes pouvaient aspirer à la pourpre, le doge d'Angdolo, Baudouin de Flandre, Boniface de Montferrat. Le premier, tout aussi brave que les autres, était de beaucoup le plus politique. Ses propres compatriotes écartèrent sa candidature, ne voulant pas prendre pour leur république la charge presque entière de la défense d'un si vaste empire. Ils étaient également opposés à la candidature de Montferrat, ne se souciant pas de rendre si puissant leur voisin de la plaine lombarde, apparenté déjà au Hohenstaufen. Cependant, on comprit qu'on lui devait un dédommagement. S'il n'était pas empereur, il serait roi, roi de Thessalonique. Le 9 mai, Baudouin fut élu par un collège composé de 6 ecclésiastiques français et 6 nobles vénitiens. Il fut oint et couronné dans Sainte-Sophie par le légat du pape, 16 mai. À la mode byzantine, on lui chaussa les brodequins de pourpre, on lui revêtit tous les ornements d'un basileus grec, même le fermail de l'empereur Manuel. On élut patriarche un vénitien, Thomas Morosini. Cela faisait dans l'État 4 grands personnages. L'empereur, le roi, le despotes ou bail, titre que prit Dandolo, enfin le patriarche. Comment s'arrangerait-il entre eux? Le traité de partage, Partitio Imperii, fut plusieurs fois remanié. En somme, Baudouin avait la capitale, mais non tout entière. Andrinople et la Thrace, mais non toute la Thrace, car sa part était coupée et morcelée par les enclaves des autres copartageants. Il y avait les îles de Samothrace, Kos, Lesbos, Samos, Chios. On avait destiné au marquis roi les provinces d'Asie, mais il refusa, car elles étaient à conquérir. Puis la Crète avec Thessalonique, mais il prétendait que ces provinces avaient déjà été données au Montferrat par les empereurs grecs. Il vendit la Crète aux Vénitiens, affecta de regarder Thessalonique comme son patrimoine et non comme un fief de l'Empire, et s'étendit dans la Macédoine et la Thessalie. Venise s'arrogea un grand morceau de Constantinople avec la plupart des rivages et des îles. Outre la Crète, elle paraît avoir possédé les 7 îles ioniennes. Dans la mer Égée, le Bé, la plupart des Cyclades, quelques-unes des Sporades. Sur la côte de Morée, Coron, Modon. Sur le continent, on lui attribua une partie de l'Albanie, Arcanie, Éthiopie, qu'elle ne put conquérir. Le doge despotesse d'Andolo put s'intituler seigneur d'un quart et demi de l'Empire grec. Quant aux autres chefs des pèlerins, on assigna aux uns la Béotie, l'Attique, la Morée, aux autres des villes d'Asie, à Étienne de Perche, Philadelphie, à Macaire de Sainte-Médéoulde, Nicomédie, au comte Louis de Blois, Nicée et la Bithynie, à d'autres, des fractions de la Thrace, au comte Hugues de Saint-Paul, Didier Motichon, à Régnier de Trite ou d'Utrecht, Philippopolis, non seulement pour garder, mais d'abord pour conquérir sa part, chacun de ces nouveaux potentats avait à la distribuer en fiefs entre ses compatriotes et compagnons d'armes. Ainsi, nous trouvons comme vassal direct de l'empereur un mégaduc ou amiral dans Samothrace. En Thrace même, le grec Vranas, troisième mari de la malheureuse Agnès de France et beau-frère de Philippe Auguste, se maintenait à Apron. L'usurpateur Mourzoufle à Tsurulon, Tchorlou, jusqu'au moment où il fut livré aux croisés. Un bâtard des Langes fondait le despotat d'Épire, deux frères Comnène l'empire de Trésibonde. Théodore Lascaris se proclamait empereur de Nicée, Théodore Mancapas à Philadelphie. Léon Gabalas se déclarait indépendant à Rhodes. Léon Sgouros, gouverneur de Nauplie, essayait de se tailler une principauté. Avant même que les croisés eussent attaqué Constantinople, il avait surpris Argos, Corinthe, dont il fit tuer l'archevêque. Ensuite, nous le voyons assiéger Athènes et conquérir Thèbes. Au nord, l'empire vlaco-bulgare restait en armes sous Ioannitsa. Une principauté de grande Vlachie se constituait en Thessalie. Partout, les nouveaux états latins allaient avoir à lutter contre des états indigènes. L'empereur Baudouin et le roi Boniface. Tout de suite, un conflit éclata entre l'empereur Baudouin et le roi Boniface. Celui-ci, qui avait épousé Marguerite de Hongrie, d'abord femme d'Isaac Lange, sous le nom d'Irène, jouissait, comme mari d'une impératrice grecque, d'une certaine popularité parmi les vaincus. L'empereur Baudouin prétendait faire son entrée solennelle dans Thessalonique et recevoir l'hommage du roi. Or, Boniface lui refusait l'hommage pour Thessalonique et prétendait même à la suzeraineté sur les fiefs qui se formeraient dans les pays grecs du Midi. La guerre éclata donc entre les Lombards et les Belges. Baudouin marcha sur Thessalonique et s'en empara. Le marquis roi occupa Didier Motichon et marcha sur Andrinople. Dandolo, Ville Ardouin, Louis de Bois s'entremirent. Ils obtinrent que Didier Motichon serait remis en dépôt au maréchal de Champagne. À la fin, Baudouin confirma Boniface dans la possession de Thessalonique et celui-ci consentit à lui rendre hommage. On fit aussi une chose fort sage. Vranas fut confirmé dans la possession d'Apron comme feudataire de l'empereur latin. Après la réconciliation, on s'entendit pour achever la conquête. une double expédition fut dirigée par le marquis Boniface contre les pays du Midi, par Henri de Flandre, frère de l'empereur, contre les villes d'Asie. Henri fut aidé par des Arméniens émigrés, 20 000 hommes avec leurs familles et leurs chariots, toute une horde. Les croisés conquirent Pège, Abydos, et, après la victoire de Phomanénon, Lopadion, Apollonie, Nicomédie, Adramite. Ils venaient de gagner une nouvelle bataille sur les empereurs réunis de Nicée et Philadelphie lorsqu'ils furent rappelés en Europe par de tragiques nouvelles. Conflit de l'Empire latin avec l'Empire vlaco-bulgare. En 1203, le tsar Ioannitsa avait entrepris une nouvelle campagne contre l'Empire grec. Il marchait sur Andrinopole quand il fut informé de la prise de Constantinople par les Latins. Il rebroussa chemin et attendit. Il leur avait déjà proposé de venir à leur aide avec 100 000 hommes et avait essuyé un refus. Quand Baudouin fut en brouille avec Boniface, nouvelle offre de concours, nouveau refus. Ioannitsa écrira plus tard à Innocent III « On m'a répondu très orgueilleusement qu'on n'aurait pas de paix avec moi si je ne rendais le territoire appartenant à l'Empire et que j'aurais envahi par violence. Je leur ai répondu que je possédais cette terre plus justement que même Constantinople. Aux prétentions que Ioannitsa faisait remonter aux Romains de Trajan, les croisés en opposaient d'autres, car les Français descendaient de Francus, fils de Priam. Troie fut à nos ancêtres. Il eût été sage aux croisés qui avaient déjà à se défendre en Orient contre les Grecs de Nicée et les Turcs, en Europe contre le despotesse d'Épire et autres principicules grecs ou vlaques, de faire alliance avec ce puissant tsar des Balkans qui s'annonçait comme leur frère d'origine. Ils préférèrent avoir un ennemi de plus, le plus redoutable de tous. La rupture avec le roi de Blaquie et Bougrie fut complète. Celui-ci trouva des alliés parmi les Grecs. Leur vieille haine contre le Romaïoctone Ioannitsa fut oubliée dans leur exaspération nouvelle contre les Latins. Ceux de la Thrace appelèrent Ioannitsa. À Didymotichon, ils massacrèrent la garnison franque. À Andrinopole, ils chassèrent les Latins, abhorrèrent les enseignes du tsar. Baudouin, pour reprendre cette place, accourut avec l'élite des siens. On ne voulut attendre ni les renforts qu'amenait du sud Boniface, ni ceux qui accouraient d'Asie avec Henri de Flandre, ni les 20 000 Arméniens qui devaient les suivre et qui furent massacrés par les Grecs. Le 14 avril 1205, on se rencontra sous Andrinopole avec l'armée de Ioannitsa, composée de Vlaques, de Bougres, Bulgares, de Grecs et de 14 000 Coumans non baptisés. Ces derniers, combattant à la façon des nomades, attirèrent sur eux, dans une fuite simulée, la chevalerie française, qu'ils criblèrent de flèches. Baudouin, avec sa hache d'armes, fit des prodiges de valeur. Le désastre fut complet. Louis, comte de Blois, Étienne, comte de Perche, Renaud de Montmirail, Mathieu de Valincourt, Pierre, évêque de Bethléem, 300 chevaliers, était parmi les morts. Dandolo et le maréchal de Champagne furent les seuls personnages de marque qui purent se sauver. L'empereur Baudouin fut pris. Des bruits divers coururent sur sa destinée. Il faut s'en tenir sans doute à la lettre que Ioannitsa écrivit au pape. Debitum carnis ex solverat dum carcere teneretur. Les deux filles de Baudouin héritèrent de ses comtés de Flandre et de Hainaut. Règne de Henri de Flandre. Son frère, Henri, fut reconnu comme régent d'abord, puis comme empereur. Couronné en 1206, en présence des saintes icônes et au chant du Polychronia, il épousa l'année suivante Agnès, fille du marquis roi. Il se montra conciliant pour les Grecs. Acropolite dit qu'il traita les Romains comme son peuple, leur ouvrit des dignités auliques, l'administration, l'armée. Les ravages que Ioannitsa exerçait dans leur pays tendaient à les rejeter du côté des Français. Le tsar venait de saccager Cérès, Philippopolis, Arcadiopolis, Apron, Rodosto, Panion, Héraclée, Surulon, Attiras. Les Grecs d'Andronipol et d'Imotition, épouvantés, offrirent leur soumission à Henri de Flandre, à la condition qu'il donnerait l'investiture de leur ville à Vranas, ce qui fut accordé, 1206. Johannitsa, désormais abandonnée par les contingents helléniques, déchaîna ses hordes vlac, slaves, coumanes, sur la Thrace, la Macédoine, la Thessalie. La capitale du royaume de Thessalonique, assiégée, ne fut sauvée que par un prompt retour de Boniface. Les Grecs étaient désespérés. Les coumanes païens immolaient en sacrifice les plus beaux d'entre eux. Johannitsa, après la destruction de leur ville, les faisait transporter par masse dans la Mésie. Henri parvint cependant à lui faire lever le siège d'Andronipol, 1206. Il ne put sauver Didymotichon, mais reprit 20 000 captifs. En Asie, on reconquérait Pégès et l'on se maintenait dans Cyzique et Nicomédie, qui furent abandonnés l'année suivante. Puis Henri s'entendit avec Boniface en vue d'une campagne dans le Rhodope. Au cours de celle-ci, le marquis-roi tomba dans une embuscade. Il fut tué et sa tête portée à Johannitsa, 1207. Celui-ci assiégea de nouveau Thessalonique. Sous les murs de la ville, il fut assassiné par le couman Manastras, amant de sa femme Coumane, 1207. On raconta qu'il avait été frappé par Saint Démétrios, protecteur de la ville. Sa mort amena la dissolution de son empire. Son successeur et neveu Boril ne garda que Tirnovo avec le titre de tsar. Le boyard Strez restait indépendant sur le Vardar. Un autre, Esclas ou Slave, s'établit à Melnik dans le Rhodope. Boril essaya de continuer la guerre, mais son armée de 33 000 hommes fut battue sous Philippopolis par 18 000 francs. 1208. Esclas vint baiser la main et la botte de l'empereur latin et reçut de lui le titre de despotesse et seigneur de Blachie la Grande. Strez, énergique et cruel, battu par les Français, se tourna contre les Serbes. Il périt mystérieusement, frappé à ce que l'on raconta par Saint Sava. Henri, devenu veuf, épousa une fille de Johannitsa. Les difficultés avaient recommencé avec le royaume de Thessalonique. Boniface laissait deux fils, l'un de son premier mariage, Guillaume VI, qui lui succéda dans le Montferrat, l'autre portant le nom tout hellénique de Démétrios, né à Thessalonique même du mariage avec l'impératrice Irène, Marguerite de Hongrie. Celle-ci fut régente pour son fils Démétrios. Les nobles élurent pour bail ou gardien du jeune roi le comte Hubert III de Blanrat, un Lombard. Celui-ci apportait dans l'administration de ce royaume hellénique des préoccupations toutes lombardes. Il eût préféré le fils italien Guillaume VI au fils quasi-grec Démétrios. Il essayait de s'appuyer sur le premier et de se dérober à toute relation féodale avec l'empereur latin. De recrues appelées de Lombardie, il garnissonnait les villes du royaume. L'empereur Henri, avec une faible escorte, était venu pour recevoir l'hommage du jeune roi. Blandrat lui ferma les portes de Thessalonique. Comme les impériaux souffraient de l'hiver, Henri, pour entrer dans la ville, dut consentir à une transaction par laquelle il abandonnait tous ses droits. Une fois entré, il vit la force que lui donnait la situation du royaume. Il n'eut pas de peine à tourner la régente contre le bail. Il reçut les offres des seigneurs français du Midi. Ceux-ci préféraient la suzeraineté de l'empereur lointain à celle du roi tout voisin, et surtout de son bail étranger. Soutenu par eux, Henri présida une grande assemblée dans le val de Ravenica, près de Lamia, Zitoun. Le 2 mai 1210. On y vit même quelques seigneurs vénitiens des îles. Il obligea les Lombards à restituer Thèbes au sire d'Athènes. Il investit Marco Sanudo du duché de l'archipel ou des 12 îles. Dodécanésos, il nomma Godefroy Villehardouin sénéchal d'Achaïe. Blandrat essaya de résister, puis se résigna et quitta le pays. La régente reconnut formellement la suzeraineté de l'empereur, 1208. Cette suzeraineté fut même reconnue par un des plus puissants parmi les potentats indigènes, le despotès d'Épire, qui d'ailleurs n'éprouva pas plus de scrupules à reconnaître celle de Venise. D'autre part, un traité de paix, 1214, avec Lascaris, empereur de Nicée, maintint aux Français un canton de la partie occidentale de la Bithynie et une partie de la Mysie jusqu'à Calamos et Camina. La politique intérieure sous ce règne eut plus d'importance encore. Par intérieur, il faut entendre surtout ecclésiastique. Le nouveau patriarche voulut fermer le chapitre patriarcal à tous autres qu'à des Vénitiens, se trouva en lutte avec l'empereur, le légat du pape Bénédicte, la majeure partie des latins français ou italiens, même les Vénitiens de la colonie byzantine. En 1211, Morosini étant mort, le parti français et le parti vénitien élurent chacun un patriarche. Puis il y eut un patriarche toscan contre un patriarche vénitien. L'intervention d'un nouveau légat, Pélage, ne fit qu'augmenter le désordre. Il essaya, à force de violence, de réaliser l'union des deux églises. Il ferma les églises, emprisonna des prêtres et des moines orthodoxes. La population s'émut. Une députation de notables se rendit auprès de l'empereur. Elle lui déclara que les Grecs préféraient émigrer en Asie s'ils ne mettaient fin aux persécutions. Henri fit rouvrir les églises, remettre en liberté les prisonniers, autorisa ses sujets grecs à porter plainte à Rome. Innocent III les condamna de nouveau au concile de Latran, 1215. En mars 1206, il avait été convenu que l'Église latine aurait, outre les biens des monastères orthodoxes, la cinquième partie des terres, la dîme sur toutes les autres, les immunités dont elle jouissait en Occident. Cette espèce de concordat, auquel Venise se garda d'apposer sa signature, ne mit pas fin au conflit. On ne savait quel parti prendre à l'égard des Grecs. On osa rendre la dîme obligatoire pour eux, mais on l'exigea partout où ce fut possible. Les Latins même s'y montraient récalcitrants. Il y avait des luttes à Thessalonique entre l'archevêque Guérin et le pouvoir royal, qui défendait à ses sujets de payer la dîme et prétendait administrer les biens de l'Église dans la Morée entre l'archevêque de Patras et le pouvoir princier. Les prêtres des églises latines, n'ayant que de rares fidèles de leur culte, vivaient aux dépens de la population grecque, un peu dans la situation qu'aura plus tard l'Église établie d'Angleterre dans l'Irlande catholique. Ou bien, pris dans cette même nostalgie qui éclaircissait les rangs des guerriers latins, ils vendaient, engageaient les biens et revenus de leur Église et avec le produit s'empressaient de retourner en Occident. Ceux qui restaient n'en montraient que plus d'âpreté à agrandir leur domaine par les mêmes moyens que naguère les couvents grecs. Les seigneurs laïcs, par politique, protégeaient leurs sujets orthodoxes. À l'assemblée du Val de Ravenica, ils s'étaient occupés de restreindre les empiétements des églises. À l'avenir, elles ne pourraient acquérir que des biens meubles. Vainement, Innocent III agita ses foudres. Il y avait là une question de vie ou de mort pour les États latins. Henri protégea les cloîtres du mont Athos, qui devinrent ses vassaux immédiats. Henri, que les Grecs appelaient un autre Arès, mourut en 1216. On prétendit qu'il avait été empoisonné. Pierre de Courtenay, Robert de Namur. Baudouin et Henri avaient une sœur, Yolande, mariée à Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre. Celui-ci fut élu empereur. Il était alors en France. Il s'empressa de lever une armée, visita Honorius III à Rome, s'embarqua pour Durazzo et de là suivit la voie Egnatia. Attaqué par les Épirotes dans les gorges d'Albassane, son armée fut détruite. Le légat du pape y périt, l'empereur fut pris et mourut sans doute en captivité. Il laissait en Occident 10 enfants, dont l'aîné était Philippe de Namur. L'impératrice, sa femme, était arrivée par la voie de mer à Constantinople. Elle y accoucha d'un fils qui fut plus tard Baudouin II. Elle prit la régence au nom de Philippe de Namur, renouvela les trêves avec l'empereur de Nicée, lui fit épouser une fille de son mari et mourut en 1219. Philippe de Namur ayant refusé de quitter son comté de la Meuse, son frère cadet, Robert, fut élu. Son règne marque le déclin rapide de l'Empire. Tous les chefs de la quatrième croisade, Baudouin, Henri de Flandre, Boniface de Montferrat, Louis de Blois, Dame de l'eau, Villehardouin, étaient morts. Le nombre des guerriers latins diminuait sans cesse, par les combats, par les retours en Occident. Il ne se recrutait plus de nouveaux arrivants. Robert avait une de ses sœurs mariée au roi André de Hongrie, une autre à Geoffroy d'Archaï, une troisième à l'empereur de Nicée. Une de ses nièces épousa Jean Hazan II de Bulgarie. Lui-même était sur le point d'épouser une fille de Lascaris. Ces alliances de famille ne lui donnèrent ni la puissance ni la sécurité. Le despotès d'Épire, Théodore, qui ne cessait d'enlever des places aux Latins, profita de ce que Démétrios, roi de Thessalonique, était allé chercher des secours en Occident. Il surprit sa capitale et acheva la conquête de ses provinces. 1223. Ainsi périt le royaume lombard de Thessalonique. À Nicée, Jean Vatatzès, successeur de Lascaris, reprit la guerre contre les Français, leur infligea une sanglante défaite à Poéménénon, 1223, et conquit presque toute la Thrace. Les Grecs, sans compter celui de Trébizonde, avaient maintenant deux empereurs, car le despotès d'Épire venait de se faire couronner dans Thessalonique par l'archevêque d'Ocrida. Les armées de ces deux empereurs, désormais ennemis, marchaient, chacune de son côté, sur Andrinople. La place se rendit d'abord aux troupes de Nicée, puis les chassa et ouvrit ses portes à celles d'Épire. Robert ne pouvait même plus intervenir dans ce conflit. Il ne s'agissait plus de savoir laquelle des deux armées grecques entrerait la première dans Byzance. À sa propre cour, un drame sanglant montrait combien était faible et peu respecté le pouvoir souverain. Robert s'était épris d'une demoiselle de Neuville, déjà fiancée à un chevalier bourguignon, et la mère de celle-ci consentit à rompre le premier engagement. Le prétendant évincé réunit ses parents et ses amis, força de nuit les portes du palais, coupa le nez et les lèvres à la jeune fille, jeta la mère dans le Bosphore. Robert ne put obtenir de ses barons justice de ce cruel affront. Il alla quêter des secours en Occident et mourut dans le voyage. 1228. Fin de la section 78.